Exercice 9, page 100. A. Ce coussin est plus blanc. Transformer. Ce coussin est moins blanc. B. Ce sapin est plus grand. Transformer. Ce sapin est moins grand. C. Ce médecin est plus franc. Transformer. Ce médecin est moins franc. D. Ce vaccin est plus récent. Transformer. Ce vaccin est moins récent. E. Ce voisin est plus souriant. Transformer. Ce voisin est moins souriant. F. Ce lave-linge est plus bruyant. Transformer. Ce lave-linge est moins bruyant.